T'as le droit, on dit. Ouais, mais je sais pas faire. C'est bien, j'ai vu qu'il y avait des paramètres dans le mixeur, ça. Enfin, tu peux même changer les sons et tout, ouais, mais je vais même pas chercher à le faire. Voyons. Encore. Et ça craque. Equal. Dans Open Group. Non. Open Mixer. Ah ouais. Preset. Je suis malade. La batterie. Futur morceau de la CDC. 3, 4. Pas mal les sons de 118 et 119. Bonjour, monsieur Grizzly. Pas mal ce son sur la guitare, il a jamais. Thank you. another word. Caster, ça a tendance à se désaccorder un peu. Ça sent pas mal, ces sons. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je préfère les synthétiseurs quand même. Ça bouge comme ça. Ça, c'est un son avec un harmonique synthétiseur, mais je voudrais pas qu'il bouge. Comment on peut faire pour qu'il bouge pas? Feel. Oh, si je veux stop. Ah ouais, stop. Allez, compris. Appuyez sur stop. C'est à travailler, tu vois. Auto wawa. Les trucs. Attends, je vais le remettre d'origine. Et sinon, c'est rigolo ça. Là, il est sur basse, guitare, guitare. Il est sur guitare. Modifier. Hop. C'est dommage, j'arrive pas à le régler, mais il est bien. J'aimerais arrêter ce filtre. Ah, mais attends. Il faut faire un. Comment ça serait que ça? Speed mix. 1, 2, 3. C'est pas mal hein, ce truc. Mais bon, ça devient vite chiant quand on n'arrive pas à y régler. Y'en a pas d'autres dans le même style? Ça c'est synthé LFO stéréo. Je vais mettre un X-Mix. Ouais, attends. Je cherche les sons. Mmh.